Triste, creuse et lent, la chanson du condamné, sourde, sombre et menaçante, la chanson du condamné. Je suis venu pour un jour repartir, tremblant, vieilli, sans aucun souvenir. J'ai deux drogues pour traverser la nuit, le bagne et toi emplissent ma vie. Triste, creuse et lente, la chanson du condamné, sourde, sombre et menaçante. J'ai ramassé une à une sur les lames de parquet les perles perdues de ton collier arraché, et au creux de ma main le prix du péché brillait encore de certains reflets. Le ton de tes yeux, l'éclat de ta peau et d'autres nuances font que j'ai presque oublié. Triste, creuse et lent, la chanson du condamné, sourde, sombre et menaçante, la chanson du condamné. Et de casser des pierres et de briser ma vie, je fais des prières pour oublier la vie. Et de casser les pierres et de briser ma vie, je fais des prières pour oublier la vie. Et de casser les pierres et de briser ma vie, je fais des prières.